cache mon 4 sur un accord mineur. Ce sera pas être joli au fond de mon shorty. Malgré ma couette, je sens que ça fouette. Pas une forte odeur, mais je reste preneur. Ça va pas être joli au fond de mon shorty.